Yeah. Man, deep for fits. Big things are going for Montreal City. You have LV, yeah. Reginald Kings and Shylocks. Yo. Hypocrites. Yo. And you hate this fuck show, that I should be, sir. Okay. On this one. Pénurie et dysfonction de la justice. Propagande sous toutes les formes de préjudice. Sexiste, raciste, démocratie indécise. Régime lucratif par de durs sacrifices. Si l'État et la population se contredisent, c'est qu'ils adhèrent à un mouvement contre ce qu'ils disent. Pas de compréhension, pas de nouveaux services. Démarche assurant que rien ne se concrétise. L'espoir en recours par des familles sous la famine. Même plus l'amour, les gars, les filles changent d'autres signes. La mode, la drogue, les codes commerciaux sont fictifs. Partagés soucieux deviennent des aspects nutritifs. Malnutrition, mécontentement actif. Enfant de la terre, au corps inexpressif. Le lendemain arrivera sur un temps inattendu. Or nos réflexes agissent sur un ton intuitif. None of them allowed for getting a way temple. Not left polishes for your mind people. Wait till I view all of them want people gamble. Not trust a man who will send you for debacle. None of them allowed for getting a way temple. Not left polishes for your mind people. Wait till I view all of them want people gamble. Not trust a man who won't walk with the evil. Mais Chris Canada de la corruption, de la surconsommation, de la pollution. J'suis naturel, sans botox ou de liposuction. Real talk, uncut, c'est pas de la science-fiction. Business c'est business, mais quand j'kick c'est pour une cause. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Menacé par la bombe atomique, à qui ça profite, l'affaire des commandites. C'est de notre faute, juste un autre, 100 millions de fraudes. Les augmentations, les taxes à la hausse. Ils se foutent de moi pis toi, c'est une question d'argent. Après ça se demande pourquoi le monde ne veut pas faire d'enfants. Sont pas honnêtes, ils font ce qu'ils veulent avec nos têtes. Moi je commence à les connaître, c'est juste des jeux pis des promesses. Des escrocs qui abusent de notre cash. T'es pas riche, tu payes plus d'impôts, plus de taxes. C'est pas logique, c'est une vraie bande d'hypocrites. Ils fouillent dans nos portefeuilles, ils jouent avec notre fric. C'est une vraie bande d'hypocrites. Ils fouillent dans nos portefeuilles, ils jouent avec notre fric. None of them allowed for getting a way temple. Not left polishes for your mind people. Wait till I view all of them want people gamble. Not trust a man who will send you for debacle. None of them allowed for getting a way temple. Not left polishes for your mind people. Wait till I view all of them want people gamble. Not trust a man who won't walk with the evil. Estropié le bitume, bleur sans amertume. La lame dans l'âme, le cœur meurtri par la thune. Toxine dans le corps, le cahier plein de ratures. Trip cicatrisé, contusion écorchure. Souvent le mal de vivre nous rend abattu et ivre. Peine et mélancolie, tous ces mots auxquels on se livre. Noyé dans les codes, la vie, la tête dans ses livres. Action, trop amère pour que je te décrive. Succombant et abattu, aux griffes des avenues. Ange naguère, regarde ce qu'il en est advenu. Jadis loin des poignards, des volets, des malfrats. Maintenant peigné en 10 visages, bien ce que son mal va. C'est affligeant souvent, les sourires partent sous le vent. Le poids des rêves morts, terrassés sous le vent. Tempête dans le sablier, né un jeune de la rue. L'âme déchirée et au bonheur dépourvu. None of them allowed for getting a way temple. Not left polishes for your mind people. Wait till I view all of them want people gamble. Not trust a man who will send you for debacle. None of them allowed for getting a way temple. Not left polishes for your mind people. Wait till I view all of them want people gamble. Not trust a man who won't walk with the evil. None of them allowed for getting a way temple. Not left polishes for your mind people. Wait till I view all of them want people gamble. Not trust a man who will send you for debacle. None of them allowed for getting a way temple. Not left polishes for your mind people. Wait till I view all of them want people gamble. Not trust a man who won't walk with the evil.